Je me réveille comme chaque matin ou chaque soir, je sais plus. Dans cette maison vide, mes muscles encore endoloris par la fatigue. Je ne sais plus quel jour nous sommes, quelle heure non plus, je n'ai plus de repères. En somme, je me lève, pose un pied au sol et cette douleur me rappelle la nuit dernière, cette pièce qui tombe trop lourde d'enfer. Un peu d'eau tiède, un bref regard dans la glace de la salle de bain et ces coupures qui me déchirent les mains, mon estomac me brûle. Pourtant je n'ai pas faim, le repas ne sera pas compliqué, un bol de soupe et quelques morceaux de pain. Il fait froid, il fait nuit, aussi sombre que dans ma tête, que dans mon cœur, que dans ma vie. Et ce soir encore, l'abrutissement m'appellera comme tant d'autres dans le monde, vivant à la force des bras. Alors, parce que je refuse la fatalité, alors, parce que je refuse de vivre enchaîné, je lis, j'étudie, j'apprends, je comprends. Apprendre pour comprendre, apprendre pour apprendre aux autres. Que la richesse d'une classe c'est d'être la peur d'une autre. Armer ma conscience quand le peuple se saoule les bras. Parce que quand le temps sera là, je serai là. Déréglé, la nuit, j'y vois clair dans le noir. Insomnie va savoir si c'est trop tôt ou trop tard. Stressé, le doute me court sur la peau, sur ma vie. La machine pilote mon cerveau. Déréglé, la nuit, j'y vois clair dans le noir. Insomnie va savoir si c'est trop tôt ou trop tard. Stressé, le doute me court sur la peau, sur ma vie. La machine pilonne mon cerveau. Aujourd'hui c'était poste d'après-midi, 2h-10h du soir, j'essaye de pas faire trop de bruit. Quand je rentre, la maison dort à point fermé. Un clin d'œil dans la chambre des gosses, un doux sourire de ma femme. Et pose de bleu, prends une douche, mange un truc froid sorti du frigo. Parce que j'ai la fringale. Soudain, une canne de toux me secoue, me brise le cou. Des frissons galopent le long de ma colonne vertébrale. La poussière toxique m'a rendu asthmatique à cause de la presse hydraulique, de la visseuse pneumatique. Rythme de vie dicté par les machines. La nuit quand je ferme les yeux, je vois la chaîne qui défile dans l'usine. Mais avant de dormir, comme tous les soirs, je m'impose ma gymnastique. Alors, sur un coin de table, une petite lumière, le silence, un livre, un stylo, un papier. Je lis, j'étudie, j'écris. Je crie pour que le travail ne me rende pas complètement abruti. Pour comprendre les conditions dans lesquelles je vis. Armer ma conscience quand le peuple se soulèvera. Parce que quand le temps sera là, je serai là. Déréglé, la nuit, j'y vois clair dans le noir. Insomnie va savoir si c'est trop tôt ou trop tard. Stressé, le doute me court sur la peau, sur ma vie. La machine pilote mon cerveau. Déréglé, la nuit, j'y vois clair dans le noir. Insomnie va savoir si c'est trop tôt ou trop tard. Stressé, le doute me court sur la peau, sur ma vie. La machine pilote mon cerveau.